Bonjour, merci de nous retrouver pour la foi prise au mot consacrée aujourd'hui à l'orthodoxie. Il y a quelques semaines, nous avons parlé dans la foi prise au mot de la difficile question des relations entre catholiques et orthodoxes et nous avons évoqué les complexes questions sur la séparation. Aujourd'hui, je souhaiterais aller plus loin dans le monde de l'orthodoxie et essayer de voir comment l'Église orthodoxe est organisée, comment se déroule une liturgie, quelle est la spiritualité de l'Église orthodoxe. Et toutes ces questions, je vais les poser au père Alexandre Siniakov, qui est prêtre orthodoxe, qui est hiéromoine, et qui est membre de la représentation de l'Église russe à Bruxelles. Père Siniakov, bonjour. Bonjour. Alors, j'ai dit que vous étiez hiéromoine, ça sera ma première question. Qu'est-ce qu'un hiéromoine? Un hiéromoine, comme le titre lui-même en grec l'indique, c'est un prêtre qui est moine. Hieros, en grec, signifiant prêtre. Alors, donc vous êtes, c'est une question intéressante, vous êtes moine dans un monastère, ça veut dire qu'il y a des moines qui ne sont pas prêtres dans vos monastères? Oui, dans l'Église orthodoxe, on ne fait pas la distinction entre les moines et les religieux, et les deux sont réunis sous le même titre, celui de moine. Et en réalité, nous trouvons les moines qui vivent dans les monastères et d'autres qui mènent plutôt une vie que les religieux occidentaux, les dominicains, les franciscains mènent, celle de l'évangélisation, de l'enseignement et de la prédication dans le monde, dans la cité et dans le monde extérieur au monastère. Alors, pour commencer, j'aimerais juste un peu qu'on définisse quelques termes. On parle d'église orthodoxe. Alors, pourquoi a-t-on pris ce thème d'orthodoxe? Oui, la terminologie est très très complexe sur ce plan-là. Et depuis que je suis en France, et c'est ma 8e année, j'ai dû souvent entendre des questions de ce genre. Pourquoi vous vous appelez orthodoxe? Et quelle est la différence entre les chrétiens et les orthodoxes? C'est cette question qui me vexait toujours beaucoup. Parce que je leur disais, il y a autant de différence entre les chrétiens et les orthodoxes qu'entre les chrétiens et les catholiques. Tout simplement parce que les orthodoxes sont chrétiens. Et de même, il faut toujours éviter de parler de religion orthodoxe ou de religion catholique, parce que l'orthodoxie n'est pas une religion en elle-même, c'est une église chrétienne, avec les origines apostoliques, comme l'église catholique, et qui s'est retrouvée divisée du siège de Rome, à partir du XIe siècle progressivement, mais avec l'église catholique, l'église orthodoxe a été plus souvent dans l'union, unis dans la communion que séparés, puisque la date de 1054, dont Hyacinthe a dû sûrement parler dans son entretien. Donc, le père d'Estivelle qui nous a parlé de la séparation entre les orthodoxes et les catholiques. Tout à fait. Cette date symbolique de 1054 de schisme entre l'église de Rome et les patriarcats orientaux, qui ont ensuite reçu le nom d'église orthodoxe, est une date symbolique. L'estrangement ou la séparation progressive entre les églises avait commencé un tout petit peu plus tôt et avait été définitivement assumée plus tard, surtout à partir du XIIIe siècle. Donc, nos églises orientales et occidentales ont été plus longtemps dans l'unité que dans la séparation. Et l'orthodoxie est donc cette partie orientale de la chrétienté qui n'a pas reconnu l'autorité de l'évêque de Rome telle qu'il a été formulée à partir d'une certaine époque et qui, de ce fait, s'est retrouvée en dehors de la communion de l'évêque de Rome. Mais une fois, quand j'étais à Bruxelles, à une conférence d'un journaliste de la RTBF, de la radio-télévision belge francophone, j'ai entendu la question qu'il se posait de savoir si c'est l'Église catholique ou l'Église orthodoxe qui est plus fidèle à la tradition apostolique. Oui, comme semblerait le faire penser le mot orthodoxe, c'est-à-dire qu'elle est plus orthodoxe. Tout à fait. Et souvent, j'ai entendu la même question des personnes qui se posaient la question de savoir, à l'intérieur même de l'Église catholique et de l'Église orthodoxe, pas seulement des personnes extérieures au christianisme, qui se posaient la question de savoir laquelle des deux parties de la chrétienté orientale orthodoxe ou occidentale catholique est plus fidèle à l'Église apostolique et laquelle continue à représenter dans le monde d'aujourd'hui l'Église que le Christ a formée. Et donc c'est une question qu'il ne faut surtout pas poser parce que ça serait c'est tout aussi inutile de poser cette question que de savoir si les Français sont plus gaulois ou plus francs. La chrétienté, l'Église que le Christ a fondée, a dès le début étaient occidentales et orientales. Et dès les premiers siècles de l'existence du christianisme, il y a eu déjà une différenciation entre la chrétienté de langue grecque, qui existait en Orient, dans la partie orientale de l'Empire romain, et la chrétienté de langue latine. D'ailleurs, elle est passée à la langue latine pas tout de suite, mais à partir du deuxième, troisième siècle. Et donc, dès les premiers siècles du christianisme, il y a eu déjà cette distinction entre l'Église grecque et l'Église latine, qui étaient toutes les deux dans la communion l'une avec l'autre. Et ces deux églises qui continuent à exister de nos jours. L'une est appelée Église catholique, l'autre Église orthodoxe. Mais ça ne veut pas dire que si nous nous appelons orthodoxes, que nous ne reconnaissons pas comme catholiques. Oui. Parce que dans le credo que nous autres orthodoxes nous récitons, nous disons aussi que nous croyons en l'Église une, sainte, catholique et apostolique. Et le terme catholique signifiant pour nous la plénitude et l'intégrité de la foi que nous professons, qui est celle des apôtres et qui est celle que le Christ nous a transmise. Et ça ne veut pas dire aussi que si nous nous arrogeons le titre d'orthodoxe, que les catholiques ne le sont pas. Je vous rassure, ils se sentent très orthodoxes. Parce que si on comprend le terme orthodoxe dans son sens primitif, étymologique, celui qui professe la vraie foi, je crois qu'il n'y aurait pas de catholique qui reconnaîtrait qu'il est hétérodoxe et que la foi qu'il professe n'est pas une vraie foi. Donc les titres sont tout à fait relatifs. Et c'est progressivement dans l'histoire que nous les avons reçus. Et je crois que ce n'est que dans les derniers siècles, à partir du 19e, 20e, là, quand il y a eu vraiment des contacts entre l'Église catholique et l'Église orthodoxe, que ces termes se sont figés et que la partie orientale de la chrétienté a été définitivement appelée orthodoxe. Et la partie occidentale, l'Église romaine, a été définitivement appelée catholique. Alors, ce qui surprend lorsque l'on rentre dans le monde orthodoxe, je garde quand même l'appellation traditionnelle, c'est que il paraît beaucoup plus éclaté que le monde occidental, où il y a une hiérarchie plutôt pyramidale, avec au sommet le pape. Il y a des patriarcats dans l'Église orthodoxe. Oui, et c'est d'ailleurs la principale question qui a été à l'origine de la séparation entre les deux parties de la chrétienté, qui, comme je le crois personnellement, est moins d'ordre dogmatique, théologique, que d'ordre ecclésiologique et organisationnel. C'est cette approche de l'Église, de son existence à travers le monde entier, qui a été la pierre d'achoppement entre les chrétiens occidentaux et les chrétiens orientaux. En effet, l'Église orthodoxe considère que l'Église catholique, sainte, apostolique, l'Église que le Christ a fondée, existe dans le monde pleinement dans les communautés locales, que nous appelons les églises locales, qui au début étaient les diocèses, présidés par un évêque, qui lui est pour nous successeur de l'apôtre Pierre et vicaire du Christ sur la terre pour sa communauté locale qu'il préside. Ensuite, ces églises locales se sont regroupées dans des parties, dans des entités plus importantes, les métropoles, et toute l'époque byzantine a connu de ces métropoles importantes comme Alexandrie, Antioche, Constantinople, Césarée en Cappadoce, etc. Et plus tard, ces métropoles, certaines d'entre elles, ont reçu le titre de patriarcat. Et c'est à partir de cette époque-là qu'on a commencé à distinguer entre les différents patriarcats de l'Église universelle, qui ne peut se manifester que dans une Église locale. Donc, pour nous, il ne peut y avoir de chef universel de l'Église, puisque l'Église universelle, elle se manifeste comme dans le corps du Christ, dans l'Eucharistie, dans une communauté locale qui célèbre autour de son évêque le mémorial de la Passion du Christ, qu'est l'Eucharistie. Aujourd'hui, dans le monde, il y a plus d'une dizaine d'églises locales orthodoxes, dont certaines sont autocéphales, c'est-à-dire qu'elles sont tout à fait indépendantes par rapport aux autres, et ils ne leur doivent que l'amour, comme dit l'apôtre Paul, et d'autres églises qui sont autonomes. Et les églises autonomes dépendent d'un autre patriarcat. Merci, Père Alexandre. Dans l'entretien précédent, on a un peu parlé de l'organisation de l'Église orthodoxe. Maintenant, j'aimerais qu'on soit plus, qu'on rentre dans le détail. Et une des choses importantes dans le monde orthodoxe, c'est la liturgie. Alors, quels sont les offices de l'Église orthodoxe ? Alors déjà, je voudrais faire une petite remarque au sujet du terme liturgie lui-même, parce qu'il y a deux conceptions différentes de ce terme en Orient et en Occident. En Occident, on appelle liturgie tout office. que l'Église célèbre, y compris les offices déserts. Tandis qu'en Orient, on appelle liturgie uniquement l'Eucharistie, la messe que vous appelez en Occident. Et les autres offices, on les appelle les offices déserts. C'est pour ça que la divine liturgie de Jean Chrysostome, c'est en fait une liturgie de la messe. Voilà, c'est une liturgie de l'Eucharistie, de la messe. Mmh. Donc en plus de l'Eucharistie, qui est le centre de toute la vie ecclésiale, de toute la vie liturgique de la communauté chrétienne, il existe les offices déserts, qui commencent à minuit par l'office de minuit, qui continuent ensuite par l'office des matines, les heures, les mêmes que dans la tradition latine, prime, tierce, sexte, none. La journée s'achève et commence aussi par l'office des vêpres, qui est célébré au coucher du soleil, et après le dîner, l'office des complies. Tout le monde dit ça ou simplement les moines? Alors, en principe, tout le monde est censé dire ces offices. Oui. Mais en réalité, les fidèles ayant d'autres occupations et ne pouvant dire les offices aussi fréquemment, nous leur proposons souvent des abrégés de ces offices avec les prières les plus importantes de chacune de ces parties. Alors, ce qui frappe quand on rentre dans une église orthodoxe, c'est la géographie qui est un peu différente. C'est-à-dire que quand on rentre dans une église catholique, on voit tout de suite la table sur laquelle se déroule la liturgie de la messe. Et dans un sanctuaire orthodoxe, elle est cachée. Alors expliquez-nous un peu comment ça fonctionne. Oui. Alors effectivement, l'iconostase empêche de voir souvent. Donc l'iconostase, c'est ce grand, comment dire, ce mur d'icônes qui empêche de voir l'autel. Voilà. En fait, il empêche de fait de voir l'autel, mais ce n'est pas son objectif, ce n'est pas son but, parce que l'iconostase est là surtout pour manifester la présence de la communauté céleste, de l'Église céleste, de la communauté des saints, qui demeurent déjà auprès de Dieu, mais qui sont en même temps aussi avec nous, autour de la table eucharistique, à célébrer le Seigneur, le Christ, et à se souvenir de sa passion. Donc l'Église orthodoxe est organisée en trois parties. La première, qui à l'origine était réservée à ceux qui se préparaient au sacrement de baptême, mais qui ne l'avaient pas encore reçu, les catéchumènes. La partie principale, où là, le peuple de Dieu se trouvait, et la partie plus petite, le sanctuaire à proprement parler, où se trouve l'autel et où maintenant, généralement, seuls les chrétiens de sexe masculin accèdent avec le clergé. Mais l'iconostase est quelque chose de très tardif dans la tradition orthodoxe orientale. Et à l'origine, les basiliques orientales étaient organisées selon le même mode, le même agencement que les basiliques que nous voyons encore en Occident. Alors justement, on rentre aussi dans la liturgie. Ce qui frappe quand on assiste à un office, c'est que c'est long. On a l'impression qu'il y a un temps liturgique beaucoup plus lent que le temps occidental, où on a tendance à réduire les offices. Et lorsque l'office dépasse une heure, on commence à voir les fidèles qui disent bon là on va abréger. Pourquoi ce temps long? En quoi c'est important? Eh bien parce que la liturgie est le centre de la vie d'un chrétien. Donc, et puisque c'est le moment le plus important de toute sa journée ou de toute sa semaine, s'il ne vient qu'une fois par semaine, nous ne pouvons pas l'abréger au minimum. Et bien au contraire, souvent le prêtre qui peut avoir d'autres occupations comme les mariages, les baptêmes, voudrait que la liturgie soit un peu plus courte. Mais s'il célèbre ou il abrège et qu'il fait une liturgie qui dure moins d'une heure et demie, souvent nous avons nos fidèles après la liturgie qui nous abordent et qui nous ont dit qu'ils n'ont pas eu le temps de prier parce que la liturgie était un peu trop courte. Mmh. Et ils nous demandent de célébrer des offices en plus après la liturgie. Donc le temps effectivement n'a pas d'importance. Pendant l'Eucharistie, nous nous retrouvons face au Seigneur, à sa dernière scène avant sa passion, à se souvenir de sa mort et de sa résurrection. Et ces moments-là de grâce sont tellement importants pour un chrétien qu'on ne peut pas regarder la montre et compter les secondes. Au contraire, on essaye que ce temps de communion et de présence face à Dieu qui nous sauve soit le plus long possible et le plus fructueux possible. C'est intéressant ce que vous dites, que c'est le moment le plus important. Je pense que un catholique dirait ça, mais l'aurait pas dit aussi clairement. L'essentiel de l'activité d'un orthodoxe doit être tourné vers ce moment de liturgie. C'est-à-dire que c'est là le moment où il vit le mieux, le plus intensément. Oui. Déjà, c'est là où il vit le plus intensément son baptême, les engagements qu'il avait pris lors du baptême. C'est pendant l'Eucharistie, la liturgie, qu'il est préparé à rencontrer le Seigneur dans le royaume à venir. Et pour l'Église tout entière, c'est le moment où l'Église se révèle en tant que telle, se révèle en tant qu'Église. Alors, justement, on a l'impression qu'il y a... dans ce moment, une sorte de décorum un peu suranné, avec des jolis chapeaux un peu bizarres, de l'or, des costumes, etc. C'est presque trop riche. Et on pourrait vous critiquer en disant vive les liturgies dépouillées. Qu'est-ce que c'est que ces liturgies fastueuses? Comment vous répondez? Eh bien, ce sont des liturgies apocalyptiques, comme l'Apocalypse décrit la Nouvelle Jérusalem, avec des centaines de pierres précieuses, avec le Christ qui brille au milieu de cette Nouvelle Jérusalem qui descend des cieux et qui éblouit le regard des ressuscités qui attendent l'arrivée, l'avènement de cette nouvelle Jérusalem. Donc notre liturgie étant un événement eschatologique, pendant l'Eucharistie, nous vivons déjà cet événement, ce second avènement du Christ, et nous voyons la nouvelle Jérusalem descendre devant nos yeux. Nous essayons de donner ce que nous avons de mieux, en quelque sorte les prémices de ce que la nature humaine possède, pour les offrir à l'agneau de Dieu, qui, lui, avait offert sa propre vie pour tous les hommes. Donc, nous donnons ce que nous avons de plus beau et de ce que nous avons de plus précieux pour l'offrir pendant la liturgie à cet agneau de Dieu immolé sur la table de l'autel. Alors, dans la doctrine catholique, il y a une sorte d'opposition, de distinction sur le rôle du fidèle à la messe. Certains disent la messe n'est pas le lieu où on prie, la messe est le lieu où on célèbre. D'autres, au contraire, disent il faut que ça soit un office recueilli pour que les gens aient le temps de prier. Alors il y a un peu d'opposition selon les théologies. Vous, comment vous verriez les choses? Vous avez dit vos fidèles viennent vous voir en disant on n'a pas assez prié. Oui, je pense que la liturgie, l'Eucharistie doit être les deux. Et que, d'ailleurs, la durée de la liturgie orthodoxe permet d'avoir et le temps de recueillement et le temps de célébration plus intense, comme les processions, le fertoire, etc. Donc, je pense que le rôle du fidèle est très important dans la liturgie. Ce ne sont pas seulement les prêtres et les diacres qui célèbrent, ce sont tous les fidèles qui célèbrent. Et à vrai dire, c'est l'Église tout entière qui célèbre. Chacun selon le charisme qui lui a été donné, comme dit l'apôtre Paul. Les fidèles célèbrent en donnant leur assentiment à la prière prononcée par le presbytre, par le prêtre, par leur amen, sans lequel la prière du presbytre reste une prière personnelle et non pas une prière ecclésiale. Et comment intervient-il? Ils chantent ou ils écoutent ou est-ce qu'ils ont une intervention dans la liturgie? Oui. Alors quand on vient généralement aujourd'hui dans les églises orthodoxes, on voit que seule la chorale chante et les fidèles chantent maximum le Notre Père et le Credo. Mais à vrai dire, rien n'empêche chacun des fidèles à participer par le chant à la célébration de la liturgie. Merci, Père Alexandre. L'une des choses importantes dans le monde orthodoxe, c'est le monachisme, les moines. Alors, je vais vous soumettre une image que tout le monde connaît dans le monde occidental, parce que c'est une image toute faite. C'est Dostoïevski, vous savez, les fameux frères Karamazov. C'est le Starets Zosim, c'est-à-dire ce prêtre orthodoxe qui est une sorte d'image de la prêtrise, de la sagesse, etc. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Est-ce que vous pensez que Dostoïevski a inventer ce personnage ou que c'est un personnage qui existe dans le monde orthodoxe? Non, je crois que c'est bien un personnage réel. Et ce ne sont pas seulement les Occidentaux qui s'imaginent comme ça un vrai moine orthodoxe, ce sont les Russes eux-mêmes qui, dès l'adolescence, avaient fait connaissance de cette image décrite par Dostoïevski et qui, durant toute leur vie, la gardent et essayent de trouver dans les moines qu'ils rencontrent justement ce Starets Zosim. Alors c'est quoi un Starets? Alors, un Starets, c'est une tradition qui est née dans l'Église russe à partir du 18e, 19e siècle, et dont le monastère d'Optina Poustine, qui est décrit dans le livre de Dostoïevski, Les Frères Karamazov, est en quelque sorte l'apogée. Le starets, c'est ce vieillard, cet ancien moine qui aide les autres moines à progresser dans la vie spirituelle, qui lui-même, après avoir été éprouvé et après avoir lui-même traversé tout ce chemin de la vie monastique, aide les autres, leur sert de guide, en quelque sorte, sur la mer des passions qui s'abattent sur un moine et qui aussi aide les fidèles qui viennent dans les monastères pour puiser la sagesse dans ce lieu où les starets rayonnent. Alors, on a l'impression qu'il fait aussi des miracles. Ça existe encore, des starets à miracles? Enfin, des starets? Oui, les miracles jouent un rôle très important. Et nos fidèles, généralement, ne commencent à reconnaître un starets qu'après avoir entendu des miracles qu'il avait effectués. Donc, les miracles sont toujours extrêmement importants dans l'Église orthodoxe. Après, on peut y croire, on peut ne pas y croire. On peut y trouver des explications rationnelles ou ne pas les trouver. Mais elles sont bien là pour les fidèles. Alors, il n'y a pas que des starets dans le monachisme orthodoxe. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Comment sont organisés les monastères? Alors déjà, la première chose à dire, pour un public occidental, c'est que le monachisme orthodoxe n'est pas divisé en ordres. Chaque monastère peut avoir des vocations différentes. Il y a des monastères qui se trouvent au cœur de la cité et qui mènent une vie évangélique apostolique qui ressemble un peu à celle des religieux occidentaux comme dominicains, franciscains, jésuites, donc les religieux actifs. Mmh. Et puis il y a des monastères qui se trouvent dans des lieux retirés à la campagne où là les moines mènent une vie contemplative, une vie de prière et de travail. Mais ils portent le même habit, ils portent le même nom, c'est le même rite de tonsure. Simplement, à la seule différence, certains moines, au lieu de prononcer le vœu de stabilité dans un monastère, font le vœu de résider dans le lieu que l'évêque leur aura désigné. Et l'autre particularité du monachisme oriental, c'est que tous les moines relèvent immédiatement de l'évêque du lieu. Et ça, cette particularité, nous la devons à Basile de Césarée, mmh. à Saint Basile, qui avait beaucoup contribué à ce que les moines restent dans la juridiction de l'évêque local. Alors, vous dites qu'il n'y a pas d'ordre, mais est-ce qu'il y a une règle? Est-ce qu'il y a des différences de règles? Oui, il y a des règles que nous appelons dans l'Église orthodoxe typikon, qui ont été rédigées pendant des siècles. Donc, ce ne sont pas des règles figées à une époque. Ce sont des règles qui évoluent en permanence et qui encore aujourd'hui continuent à évoluer d'un monastère à l'autre, d'une église locale à l'autre, d'une tradition orthodoxe à l'autre, mais principalement, à la base de toutes ces règles, il y a d'abord la règle de Saint Basile le Grand, qu'il avait élaborée ensemble avec Grégoire de Nazianz. Mmh. Ensuite, la règle des deux grands monastères de la chrétienté orientale, de la Laure de Jérusalem et de la Laure de Constantinople. La Laure, qu'est-ce que la Laure, c'est un grand monastère mmh. qui rassemble souvent des centaines de moines. Alors vous, par exemple, vous êtes moine. Que contient votre règle principalement? Quelles sont les choses que vous devez faire et surtout les choses que vous ne devez pas faire? Alors la règle la plus importante pour un moine, c'est l'obéissance. Mm-hmm. C'est d'obéir à son supérieur. Dans mon cas, il s'agit de l'évêque local ici en Occident, de l'évêque de Bruxelles où j'habite. Donc la règle la plus importante, c'est l'obéissance. Nous nous mettons au service de l'Église par l'intermédiaire de l'évêque qui la préside, et nous accomplissons les tâches que l'évêque nous désigne. Mais, tout en accomplissant les devoirs qui nous sont proposés par l'évêque, nous devons constamment mener une vie de prière avec les offices dont nous avons parlé, les offices de jour, et si on est prêtre, de célébrer l'Eucharistie le plus souvent possible. Il y a des vœux de pauvreté, de chasteté. Il y a également le vœu de célibat, mmh. le vœu de chasteté, mmh. ainsi que le vœu de pauvreté, où nous promettons de tout ce que nous possédons, de ne pas s'y attacher et de le posséder avec l'ensemble de la communauté monastique. Alors, une chose qui est importante, c'est que dans le monde orthodoxe, on a l'impression que le monachisme, c'est ce qui rend visible l'Église. C'est que c'est un peu le modèle sur lequel doit se conformer, modèle spirituel aussi, hein, dans lequel doivent se conformer tous les chrétiens orthodoxes. Oui, tout à fait. Un moine, à vrai dire, c'est un chrétien qui vit son baptême jusqu'au bout, qui essaie de réaliser les engagements qu'il avait pris lors du sacrement du baptême pleinement, Ça ne veut pas dire que les fidèles qui ne sont pas moines ne sont qu'à moitié chrétiens, non. Mais les moines sont en quelque sorte ce sel de la communauté chrétienne elle-même qui, par leur mode de vie, par leur renoncement à tout ce qui est terrestre et par leur attachement total à la vie de l'Église, doivent inciter les autres fidèles à faire de même. C'est-à-dire que tous les fidèles orthodoxes ont pour vocation de devenir moines ? Tout à fait. D'ailleurs, la règle de Saint Basile, qui est fondamentale pour chaque moine, a été rédigée pour tous les fidèles. Et elle contient quoi, justement ? Quel est le... Parce que tout le monde ne peut pas être célibataire et tout le monde ne peut pas passer son temps à prier. Comment est-ce qu'on, quand on est orthodoxe, comment est-ce qu'on arrive à faire cette négociation entre l'idéal et la vie concrète ? Effectivement, tout le monde ne peut pas être célibataire, mais même dans le mariage, on peut rester chaste. C'est-à-dire la chasteté comprise comme quelque chose de spirituel et non pas comme quelque chose de corporel. La chasteté, comme d'ailleurs le mot grec l'indigne, sophrosyne, ça a quelque chose à voir avec l'état d'esprit. Et non pas les exercices du corps. Oui, en grec, ça peut signifier la sagesse aussi. Tout à fait. Et la prudence. Donc voilà, la chasteté, c'est plutôt la sagesse et la prudence, plutôt qu'une abstention totale, etc. De même, la pauvreté, elle peut être vécue aussi lorsqu'on possède des choses, dans la mesure où ces choses-là ne sont pas le but de notre vie, et où acquérir n'est pas la raison de notre existence. De même, la prière aussi, n'importe quel fidèle peut prier autant qu'un moine prie. Mais les moines, ce sont donc ces mêmes fidèles de l'Église qui sont en quelque sorte là pour montrer que le mode de vie qu'ils mènent est celui d'un chrétien véritable. Mais ce n'est pas le mode de vie exclusif. Et tout chrétien peut donc mener dans le mariage, en vivant avec les enfants, peut mener le même genre de vie qu'un moine mène. Qui impose une certaine responsabilité. Là encore, je reviens à Dostoïevski. Ce qui m'avait frappé quand je l'avais lu, c'est que les gens n'hésitent pas à invectiver les moines en disant tu n'es pas assez bon. On a l'impression qu'il y a une sorte de responsabilité du moine par rapport à la société globale. Oui, il y a une responsabilité parce qu'il est là comme le modèle de la communauté chrétienne elle-même. Donc la responsabilité est plus grande. Un fidèle est moins aux yeux de la société qu'un moine. Merci, Père Alexandre. J'ai envie de vous poser une question un peu brutale, Père Alexandre. C'est quoi la spiritualité orthodoxe ? Une particularité de la spiritualité orthodoxe, c'est qu'elle est très influencée par la vie monastique. À vrai dire, il n'existe dans l'Église orientale, dans l'Église orthodoxe, que les spiritualités monastiques. Mais cette spiritualité, comme nous en avons parlé dans l'entretien précédent, est en dialogue permanent avec la communauté des fidèles. Les moines, ce ne sont pas des personnes qui sont tout à fait étrangères à la vie des fidèles de tous les jours. Ce sont les mêmes fidèles qui essayent de vivre leur vie de chrétien d'une façon totale. Et chaque fidèle de l'Église orthodoxe essaie de s'y conformer. C'est pour ça que pour sa vie spirituelle, il va voir les moines dans leur monastère. Il va essayer de suivre, dans la mesure du possible, les règles que nous considérons comme monastiques, comme par exemple la règle de Saint Basile, et il essaiera de s'instruire auprès de starets, qui sont les anciens dans les monastères, dont le but est de guider, d'une part, les jeunes moines, et d'autre part aussi les fidèles, qui essayent de cheminer vers la voie de la perfection. Alors, je vais vous prendre un peu en défaut, le mont Athos. Oui. Pas grand monde peut y rentrer. Dans quelle spiritualité on est là ? C'est un peu différent de ce que vous décrivez. Tout à fait. Oui. Enfin, le mont Athos, les hommes déjà peuvent y entrer. Donc tout homme peut venir habiter dans un monastère, mener une vie avec les moines. Et d'ailleurs, il n'y a pas de clôture dans les monastères orthodoxes, contrairement aux monastères occidentaux. Donc, généralement, tout moine peut amener un pèlerin ou un fidèle qui essaye de vivre le mode de vie chrétien dans la clôture elle-même. Il n'y a pas cette séparation entre le monde et la vie monastique et les moines. Et le mont Athos, évidemment, est quelque chose d'à part. Le mont Athos, c'est vraiment la scène de la vie monastique. C'est vraiment le modèle par excellence de tout fidèle et de tout moine. Et ce sont les monastères d'hommes. Donc les femmes ne peuvent pas accéder sur le territoire du mont Athos, sur la sainte montagne, comme elles disent eux-mêmes. Mais les femmes ont des monastères de femmes, où elles peuvent venir aussi essayer de mener, au moins pendant quelques jours, la vie de chrétien qui se donne entièrement au Christ et à son Église. Donc le mot athos est ce modèle oui. pour l'ensemble de l'orthodoxie est aussi le cœur de l'Église, le cœur priant qui prie pour l'ensemble de la chrétienté. Alors, quels sont les grands mouvements spirituels? Très souvent, quand on pense à l'orthodoxie, on associe ce qu'on appelle les icasmes. Oui. Alors, expliquez-nous un peu ce que c'est que les icasmes et dites-nous si ça existe encore. Oui. Eh bien, les icasmes, il existe. Il est né encore à l'époque byzantine, avec Saint Grégoire Palamas, l'archevêque de Thessalonique. Et puis, il a perduré malgré les nombreux obstacles qu'il rencontrait sur son chemin. Et c'est un mouvement qui existe encore de nos jours, malgré aussi les péripéties du début du XXe siècle. Et c'est au moins athos, justement, que cet hésychasme, ou que nous appelons maintenant cette vie de prière de Jésus, est toujours vécue. C'est là qu'il avait pris, en quelque sorte, une renaissance à la fin du XIXe siècle, au début du XXe. L'Église russe, en la personne du Saint-Synode, s'y était beaucoup opposée, malheureusement, au début du XXe siècle. Mais de nos jours, le cœur de l'hésychasme, c'est-à-dire la prière de Jésus, la prière avec la mention permanente, constante, ininterrompu du nom de Jésus-Christ, à travers lequel nous entrons en communion avec le Christ lui-même et pratiqué de nos jours. C'est-à-dire que concrètement, on récite le nom de Jésus. Voilà. Oui. L'hésychasme, comme le terme lui-même l'indique, c'est un état auquel on essaye de cheminer quand on pratique l'hésychasme, mais les pères spirituels, même occidentaux, pourraient vous en parler mieux que moi, justement, la prière constante, la prière ininterrompue dont l'apôtre Paul avait déjà parlé. Et cette prière, c'est surtout la mention du nom de Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, aie pitié de moi pécheur. Et on répète ça. Et on répète ça en permanence, en essayant surtout de mettre l'accent sur le nom du Christ lui-même, parce qu'à travers le nom, nous entrons en contact avec Dieu lui-même, avec le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Et on peut être, j'allais dire, semi-hésychaste, c'est-à-dire pratiquer l'hésychasme par moment, ne plus le pratiquer, ou est-ce qu'il faut rentrer dans une démarche où on ne fait que ça? Ce qui est d'ailleurs paradoxal, on ne fait que rien faire d'une certaine façon. Eh bien, généralement, il vaut mieux quand même faire des choses complètement. Donc si on essaie d'être hésychaste, il vaut mieux pratiquer ça toute sa vie. Mais pour cela, il y a des conseils très pratiques et très intéressants qui sont donnés dans un livre passionnant, d'une grande richesse spirituelle qui décrit la pratique moderne de l'hésychasme, de la prière du cœur, de la prière de Jésus, qui est sur les montagnes du Caucase, écrit par un moine Hilarion au début du XXe siècle. Et ce livre est en train d'être préparé pour une édition française par Don André Louf, ancien abbé du Mont des Cats, de l'abbaye du Mont des Cats, et qui sortira bientôt dans l'édition de l'abbaye de bénédictine dont j'ai oublié le nom je sais pas, je peux pas vous renseigner, de Bellefontaine. Enfin, c'est quelque chose, voilà, Bellefontaine. Donc c'est quelque chose à surveiller. Tout à fait. Et là, on trouve tous les conseils pratiques sur la façon de mener la prière du cœur qui s'adresse non pas seulement aux moines, mais à tous les fidèles. Alors, une des choses qui est très importante dans la spiritualité orthodoxe, c'est qu'elle est reliée en permanence au Père de l'Église. Ça, c'est quelque chose qui nous semble un peu étranger, c'est-à-dire que on retrouve un petit peu les pères d'église en ce moment, mais en permanence, on fait référence, comme vous l'avez fait, à Basile de Césarée, même à Grégoire Palamas, etc. Pour vous, c'est important, les pères d'église? Oui, les pères de l'Église sont les témoins de la foi de l'Église. Et on s'y réfère effectivement très souvent, mais malheureusement, et ça, dans les conférences théologiques que le patriarcat de Moscou organise, on le souligne très souvent, malheureusement, cette référence reste uniquement nominative et superficielle. Et l'Occident a, sur ce plan, un rôle très important à jouer pour que l'Orient puisse aussi redécouvrir les pères de l'Église après les événements historiques qui ont bouleversé la vie des églises orthodoxes en Orient, en particulier de la plus grande église orthodoxe, l'église russe, qui avait, pendant plus de 70 ans avait perdu la tradition de l'étude des pères de l'Église et de leur édition. Donc les orthodoxes de nos jours disposent de peu de moyens pour approfondir la connaissance des pères de l'Église. L'Occident jouera un rôle très important pour cette redécouverte des pères, mais l'attachement à ces pères ou même en l'absence de leurs connaissances concrètes, reste quelque chose de fondamental dans Alors, l'orthodoxie. excusez-moi, je vais être un peu provocateur. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de théologien orthodoxe depuis les Pères de l'Église? C'est-à-dire depuis 1000 ans? Mais non, mais les pères de l'Église ne s'arrêtent pas il y a 1000 ans. Les pères de l'Église continuent à exister dans l'Église tout au long de son histoire. Donc les pères de l'Église peuvent vivre de nos jours, ils vivront après nous, et ils existeront jusqu'à ce que l'Église elle-même existe, et jusqu'à ce que l'Esprit de Dieu continue à souffler au sein de la communauté chrétienne. Donc les pères de l'Église, ce n'est pas une liste figée de théologiens antiques qui se soient arrêtés à l'époque byzantine ou encore avant. Les pères de l'Église, ce sont les docteurs, les témoins, les martyrs, vraiment les martyrs, les témoins de la foi qui existeront tout au long de l'histoire de la chrétienté. Oui, je vous ai posé cette question parce qu'on a souvent l'impression, vu d'Occident, que l'Église orthodoxe est un bloc monolithique qui n'a pas bougé, en gros, elle s'est arrêtée à la séparation de 2054. Comment vous réagissez face à ça? C'est tout à fait inexact parce que l'Église orthodoxe continue à évoluer en permanence. Elle continue à approfondir les messages apostoliques qui lui avaient été transmis. Elle continue à ruminer en quelque sorte les messages des pères de l'Église et elle continuera à évoluer jusqu'à l'avènement du Seigneur. Merci, Père Alexandre. En Occident, quand on parle d'orthodoxie, on imagine tout de suite des icônes. Alors, expliquez-nous un peu pourquoi les icônes sont si importantes dans le monde orthodoxe. Parce que les icônes, c'est la théologie vécue, c'est la théologie pratique. Comme vous savez, la crise iconoclaste qui a bouleversé l'Église au 8e siècle était une crise profondément christologique, Alors, on explique théologique. un petit peu quand même Je vais vous expliquer ce que ça la crise signifie. iconoclaste. Voilà, c'est que souvent on se pose la question si la vénération des icônes, donc des images du Christ et des saints, n'est pas en contradiction avec l'Ancien Testament qui prescrivait de façon tout à fait univoque de ne pas créer des images de la divinité. Mais c'est là que est le cœur du problème, c'est qu'on ne peut effectivement jamais représenter la nature divine elle-même. Et les icônes, elles ne représentent pas Dieu dans son essence trinitaire, dans son essence divine. Oui, j'allais dire, il y a même une question d'idolâtrie, Tout à c'est-à-dire fait. que c'est pas avec des idoles en bois que l'on va représenter Oui, Dieu. tout à fait. Mais on représente sur les icônes le Christ, qui est Dieu fait homme. Et c'est cette nature humaine du Christ que nous représentons. Et le rejet des icônes signifie le rejet de la nature humaine du Christ lui-même. C'est-à-dire cet éternel problème qui a toujours touché l'Église et qui, je crois, n'a pas complètement disparu de nos jours. C'est cette l'absence de la reconnaissance de la totalité ou de l'intégrité de la nature humaine du Christ, que le Verbe de Dieu est devenu homme comme nous, exactement le même. Il a été palpable, il a mangé, il a bu, il a habité au milieu de ses disciples. Et c'est ce Verbe devenu homme dans sa nature humaine que nous représentons sur les icônes, ainsi professant cette dualité des natures du Christ et notre salut lui-même, puisque si le Verbe n'est pas devenu véritablement homme, l'homme lui-même n'a pas eu accès au salut. Donc vous voulez dire que c'est une manifestation théologique, c'est une manière de dire je représente l'icône. En postulant, enfin en, non, en, même pas en postulant, en croyant fermement que Dieu s'est fait homme. Tout à fait. Ouais. En vénérant l'icône, nous vénérons le Christ lui-même et par là, nous professons qu'il est devenu, comment dire, qu'on a pu le représenter parce qu'il est devenu homme. S'il était resté, comme dit l'apôtre Paul, dans la gloire du Père, s'il avait gardé jalousement le rang qu'il égalait à Dieu, nous n'aurions pas pu le représenter. Mais dans la mesure où il est devenu homme comme nous, nous le représentons. Alors, il y a une différence entre le droit de représenter et l'idée le droit, pardon, excusez-moi, le droit de représenter, je veux dire le monde occidental, là aussi. Mais l'idée qu'il y a quelque chose de plus que la représentation, c'est-à-dire que, comme vous avez dit, il y a vénération, c'est à l'image, c'est la représentation, mais il y a un peu plus. Ça dit quelque chose de la divinité. Oui, mais nous vénérons le Christ parce que sa divinité est intimement liée à son humanité. Donc, en vénérant l'image humaine du Christ, nous vénérons la divinité elle-même du Verbe parce qu'elle est intimement liée, ou comme dit Grégoire de Nazianze, elle s'est mélangée avec l'humanité pour ne former qu'un seul être, qu'une seule hypostase, celle de Jésus-Christ. Et il s'agit de l'humanité divinisée ou déifiée. Et ça explique aussi pourquoi nous représentons des saints sur les icônes et pourquoi nous vénérons les icônes de la Mère de Dieu et des saints. Parce que en eux, comme sur les icônes du Christ, nous vénérons l'humanité qui a accédé à la divinisation, l'humanité qui est devenue déifiée. Alors, l'activité de peindre des icônes est déjà une activité spirituelle. Tout à fait, parce que comme tout acte liturgique, l'icône et la peinture de l'icône est aussi fait partie de la liturgie dans le sens large du terme. C'est un acte liturgique. Et quand on peint et pour peindre les icônes, on a besoin d'avoir fait un chemin spirituel auparavant et d'avoir surtout compris le sens théologique profond, christologique des icônes. Et là, après avoir vécu à l'intérieur de soi cette expérience de la divinisation de la nature humaine, qu'on peut commencer à peindre les icônes. Alors, vous avez parlé de vénération des icônes. Oui. Concrètement, comment ça se passe? Eh bien, les icônes, quand on entre dans n'importe quelle église orientale, orthodoxe, on voit que partout, il y a les icônes qui sont là pour nous, d'une part, pour nous manifester la présence de l'Église céleste par les icônes des saints, qui sont là aussi pour nous rappeler que le Christ est devenu homme et que c'est son retour dans sa nature humaine en tant qu'homme que nous attendons en permanence d'une minute à l'autre. Et en venant dans une icône, nous faisons un geste tout de suite pour de respect, de vénération à l'égard de ces icônes, comme on ferait un geste de vénération à l'égard de ces saints s'ils étaient présents dans la chair elle-même. Et en rendant cette vénération à l'icône, c'est à son prototype, évidemment, que nous rendons la vénération. C'est-à-dire, concrètement, comment ce geste se fait? Eh bien, généralement, on embrasse l'icône, comme on aurait embrassé l'ami que nous rencontrons. C'est-à-dire que vraiment, l'icône tient lieu de personne. C'est un lieutenant de la personne. Oui, mais là aussi, il ne faut pas tomber dans l'idolâtrie. Oui. L'icône n'est qu'une image, d'ailleurs, comme le terme grec lui-même l'indique. C'est une image, mais qui est effectivement un intermédiaire, comme une sorte de manifestation visible de celui qui est présent invisiblement au milieu de nous. Parce que le Christ est présent à la fois visiblement par ses icônes dans la communauté chrétienne qui célèbre, mais en même temps, il est présent invisiblement. Et il est présent invisiblement dans les dons eucharistiques et il est présent invisiblement par l'Esprit Saint qui est au milieu de ses fidèles quand deux ou trois sont réunis pour prier en son nom. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un usage communautaire et un usage privé de l'icône. L'usage communautaire, c'est l'icône qui est sur l'iconostase. Oui. Et là, vous avez dit que c'était une forme d'association de tous les saints à la liturgie qui est en train de se dérouler, c'est ça? Oui, tout à fait. Et mais là, il n'y a pas en fait de différence entre la vénération privée, particulière des icônes, le fait de garder les icônes chez soi, et la vénération dans une église. Parce que l'église, c'est une maison. C'est la maison où les fidèles se réunissent pour prier. Et donc, à la maison, on porte exactement la même vénération qu'on porte aux icônes, qu'on porte à l'église, comme à celui qui est représenté là-dessus, comme à un ami qu'on verrait et qu'on embrasserait le rencontrant. Alors, ce qui nous choque, vous avez dit, on l'a dit plusieurs fois, idolâtrie, c'est le caractère un peu magique, quelquefois. Quel est le discours de l'Église orthodoxe là-dessus? C'est-à-dire, très simplement, hein, on pose une icône sur quelqu'un qui est un peu malade et ça le guérit. Oui. Là, je crois qu'il faut effectivement éviter les dérives. Parce que l'icône reste quand même un moyen de communion à la personne qui y est représentée, que ce soit le Christ ou la Vierge ou les saints, mais il ne faut pas non plus confondre l'icône avec la personne elle-même. Donc, et c'est cette confusion qui est dangereuse. Mais ça, je crois que c'est la tâche de nos autres pasteurs d'expliquer à nos fidèles cette petite distinction, cette petite nuance dans la vénération des icônes, que l'icône reste une image, reste une représentation, et il n'est pas identifiable avec celui qui y est représenté. Sinon, on tombe effectivement dans l'idolâtrie, quand on assimile la représentation avec l'être lui-même. Donc, celui qui est représenté sur l'icône, nous le vénérons, mais tout en sachant qu'en même temps, il est présent ailleurs, parce que le Christ, dans sa nature humaine, est présent ailleurs en même temps, auprès, à la droite de la gloire du Père. Et donc, en rendant le culte à son icône, nous devons essayer de faire de la sorte que nous vénérions ce Christ qui est assis à la droite du Père, et que nous fassions la distinction entre la représentation qui est là et la personne qui est ailleurs. Alors, dans le monde occidental, on a souvent... Enfin, les icônes sont à la mode maintenant. Ouais. Et en particulier une icône, qui est la fameuse Trinité d'Andrei Roublov, qui s'ouvre la galerie Tretiakov. Ça vous agace, ça vous amuse? Qu'est-ce que vous en, comment vous le voyez, ça? Non, je trouve que c'est un très beau geste. Et je pense que c'est un des moyens, évidemment, tout petit, mais un des moyens aussi de retrouver l'autre partie de la chrétienté, ou le deuxième poumon, comme le disait dans une formule très belle le pape Jean-Paul II. Donc, par les icônes, on peut aussi, comment dire, manifester l'unité de la tradition de l'Église et l'unité de la tradition universelle. Et finalement de l'unité du corps du Christ. Merci Père Alexandre Signacov d'avoir fait découvrir beaucoup mieux le monde orthodoxe. Merci beaucoup. Au revoir.